Bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Gamozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage épisode 7, c'est maintenant. Tout de suite, une expression. Avoir les pieds dans le gaz de schiste. Être dans une très mauvaise situation. Voilà une nouvelle version du 36e dessous ou la descente aux enfers. Le gaz de schiste se trouve entre 1500 et 3000 mètres de profondeur, ce qui donne une certaine mesure à l'expression « toucher le fond ». Je cite. Dans le dernier baromètre TNS s'offre, sa cote d'avenir reste scotchée à 20%, très loin derrière François Fillon, Nicolas Sarkozy ou encore Alain Juppé. C'est vrai qu'au niveau des sondages, j'ai les pieds dans le gaz de schiste, reconnaît-il. Jean-François Copé dans l'émission « Les paroles des actes » sur France 2, le 10 octobre 2016. Le gaz de schiste est un sujet d'actualité très controversé, une patate chaude. Le gaz devrait évoquer quelque chose d'aérien, de léger, mais la polémique écologique et le schiste en font quelque chose de pâteux, de collant. En y mettant les pieds, on risque de rester englué et de s'enfoncer comme dans le sable mouvant. Face à un échec, la réaction la plus fréquente est d'en minimiser la portée, voire de le nier. C'est la langue de bois. La deuxième attitude la plus pertinente consiste à pratiquer l'autodérision et l'autocritique, les conséquences d'un échec électoral par exemple, ne sont pas aussi graves qu'un état de stress post-traumatique, mais les mécanismes sont très proches. Avant les années 1980, dans la gestion des grandes catastrophes, on donnait la priorité aux blessures physiques. Les conséquences psychologiques n'étaient pas prises en compte d'emblée. Pourtant, cette attitude aboutissait à de très graves répercussions sur le long terme. L'évaluation dans l'état de stress post-traumatique et l'accompagnement des victimes immédiatement près de l'événement traumatisant ont prouvé leur efficacité depuis. On ne connaît pas bien les méthodes de soutien psychologique dont bénéficient les personnalités politiques victimes d'échecs électoraux. Mais de toute façon, ce qui compte pour elles, c'est qu'elles puissent rapidement remettre les pieds à l'étrier. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ferdinand Porsche. Comment cet ingénieur a-t-il réussi à inspirer sa marque? La vie de Ferdinand Porsche fut si riche et mouvementée qu'elle pourrait être adaptée au cinéma. L'homme à l'origine de l'une des plus prestigieuses entreprises de construction automobile a tout d'un grand personnage de fiction. Doté de capacités intellectuelles supérieures, il connut une ascension fulgurante avant que toutes ses années de travail ne soient assombries par une série de décisions regrettables et compromettantes. Très tôt, l'intelligence, la curiosité et les centres d'intérêt du jeune Ferdinand Porsche, né en 1875 dans l'Empire austro-hongrois, le démarquent de ses camarades. Il se passionne pour les grandes innovations de son époque et son génie est tel qu'il construit à l'âge de 15 ans une centrale électrique pour approvisionner la maison de ses parents en électricité. Autodidacte, Ferdinand se tourne vers la mécanique et obtient un poste dans la société de constructrice des véhicules de la cour impériale à 22 ans où il va démontrer son ingéniosité en dévoilant une innovation avant-gardiste. Alors que les premiers chemins de fer n'ont même pas 50 ans, le jeune Porsche propose un prototype de voiture électrique. Vous avez bien entendu, cette innovation est exposée en 1900 à l'Exposition universelle de Paris à littéralement un siècle d'avance. Porsche devient alors PDG du prestigieux groupe de construction, Austro-Daimler, qui fusionne avec d'autres sociétés pour former le nom moins connu Daimler Mercedes-Benz. Avide de nouvelles expériences et multipliant les projets, Ferdinand fonde son propre bureau d'études avec son fils Ferry à la fin des années 1920. En 1933, Ferdinand Porsche se rapproche dangereusement d'un nouvel homme au pouvoir en Allemagne, Adolf Hitler. Ce dernier choisit pour concevoir une automobile bon marché et accessible pour tous les Allemands. Pensée pour être la voiture du peuple, c'est-à-dire la Volkswagen. Ferdinand désireux de démocratiser l'utilisation de l'automobile, crée la voiture amenée à devenir célèbre dans le monde entier, la future Coccinelle. Volkswagen présentée en 1938 sert d'outil de propagande nazie. Porsche, désormais naturalisé allemand, devient membre du parti nazi. Outre cette mission, il est également chargé de coordonner l'effort de guerre industrielle du Reich. Il est à l'origine de nombreux engins de guerre, chars, armes et missiles, et responsable de l'exploitation des travailleurs déportés. Bien qu'il ait été blanchi à la fin de la guerre, la réputation de l'un des ingénieurs les plus doués du XXe siècle demeure entachée. Alors qu'il est invité à visiter les usines de Renault en 1946, Ferdinand Porsche est d'ailleurs arrêté par les autorités françaises pour crime de guerre avant d'être libéré en 1947 contre une rançon. Loin d'être impressionné par la polémique à son égard, il développe dès son retour en Allemagne la marque qui porte son patronyme. Premier modèle, la mythique Porsche 356. Ne lui trouvez pas un petit air de coccinelle ? Génie au talent multiple, le seul et terrible échec de Porsche aura été de la utiliser à mauvais escient. Voilà, c'est ainsi que s'achève Amadou Décryptage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Radio Gamezo. Passez une excellente journée sur nos antennes et moi je vous dis bye bye.